La Sérénade de Paul Arène, lu par Clémentine pour audiocité.net. J'ignore si cette histoire est neuve. Où sont-elles les histoires neuves? J'ai même un vague souvenir de l'avoir quelque part entendue. Mais on vient de m'en montrer le héros. Des témoins oculaires, dignes d'être crus, m'ont conduit à l'endroit théâtre de l'aventure et, ma foi, je veux vous la raconter encore, espérant tout au moins me rattraper sur les détails glanés en route, ça et là, comme ferait un voyageur qui décrit des pays déjà parcourus. Sans que ce soit précisément à Tarascon, ni à Beaucaire, ni à Arles, la chose ne se passe pas loin du coin béni où le Tartarin de Daudet, à qui désormais les Alpes neigeuses servent de triomphant piédestal, vit le jour et fit ses premières armes. Imaginez donc une de ces aimables petites villes comme il y en a en Provence, sévères à la fois et souriantes dans leur mélancolie doucement florentine, avec un arc antique qui s'écroule, des placettes silencieuses qu'une fontaine emplit de son bruit, de hautes maisons à tournure de palais et des niches sculptées mais vides souvent à tous les angles des ruelles, une de ces villes enfin dont les fillettes portant la coiffe, le ruban et le corsage arrangés en chapelle évoquent à les voir passer comme une vision de l'or et font rêver de longs amours à la Pétrarque, fidèle et sans dénouement. Depuis 50 ans, M. Pessug habitait là, fort peu imprégné d'ailleurs, disons-le tout de suite, par cette atmosphère de poétique platonisme. Bien au contraire, le gros M. Pessug, Tibéri de son petit nom, Tibéri Pessug, professait en fait de sentiment la plus coupable matérialité. Doué d'une santé de fer, mis au-dessus de l'opinion grâce à sa fortune de 15 000 francs de rente en bienfonds, Pessug ne s'occupait guère, et cela avec la cruauté inconsciente et passionnée d'un collectionneur qui pique des papillons sur le liège, qu'à mettre des innocentes à mal. Des innocentes pauvres surtout. Pauvres, l'innocence se défend peu. On ne comptait pas ses victimes. Que d'ouvrières d'atelier, que de bonnes d'enfants, que de cuisinières ainsi immolées. Toutes celles qui ne trouveront jamais mari et que les garçons, connaissant leurs fautes, dévisagent. Toutes celles qui, cachées à Paris, à Lyon, à Marseille, n'osent plus revenir chez les vieux parents, le mois des fêtes, honteuses qu'elles sont de leurs robes trop riches et de leurs peaux trop blanches, avait eu Pessug pour premier vainqueur. Ce qui n'empêchait pas M. Pessug d'afficher les dehors d'un excellent père de famille, patriarcal comme personne, avec sa face pleine et rosée, son bedon pointant ou brimballe une chaîne d'or quand il s'agissait d'accompagner, saluant le monde et saluer, sa femme et ses filles à la promenade. Madame Pessug savait tout, mais ne s'inquiétait pas. Il faut que les hommes s'amusent, et puis les femmes du Midi sont de mœurs quelque peu musulmanes, vraies tigresses pour ce qui touche à la tranquillité de leur intérieur, elles se montrent indifférentes, volontiers aux fredaines sans conséquences qui se passent hors de la tente. Les amis de Pessug, gens austères, n'ignoraient rien, mais ils n'en admiraient Pessug que davantage. Tous, d'ailleurs, plus ou moins, imitait Pessug en secret. Et Pessug riait d'un joyeux rire qui éclairait soudainement son majestueux profil romain quand l'ami Sextius, le numismate, plaisantant sa face d'empereur romain et jouant sur son petit nom de Tibéri, l'appelait quelquefois Tibère. Et Sextius n'avait pas tort. Rien de moins rare dans les provinces que ces sortes de Tibères, bons vivants et bourgeois portant la pourpre et se créant Dieu en d'intimes apothéoses. car la Rome antique n'est pas morte tout entière, et le vent, du haut des sept collines, a semé, au loin, jusque chez nous, comme une graine malfaisante, la cendre des Césars brûlés. Les Césars, pour le service de leur plaisir, avaient des affranchis et des eunuques. Pessugue, lui, avait la Christole, une femme sans préjugés qui remplaçait avantageusement et eunuque et affranchi. Le logis de la Christole, maisonnette basse au fond du jardin, devenait ainsi, suivant les circonstances, le palais doré où Pessugue savourait, moyennant quelques écus, l'orgueil de commander et la joie de vivre. Pessugue, étant sage, aurait dû s'en tenir là. Par malheur, il voulut varier ses caprices et, pris d'ambition, la Christole aidant, il finit par décider à la chute une Bovary de province que les exploits d'un tel séducteur faisaient rêver. Rendez-vous fut pris au chef-lieu, dans le plus bel hôtel, comme l'enseignent les romans, car la belle eut craint de se souiller en effleurant du bout des pieds le seuil diffamé de la Christole. Comment Madame Pessugue apprit-elle la chose? Je l'ignore. Mais il s'agissait d'une bourgeoise, d'une égale. Cette fois, Madame Pessugue se fâcha. Or, Pessugue préludait à son crime quand soudain trois coups secs font résonner le bois de la porte. « Ouvrez, au nom de la loi !» Pessugue ne répondit point. « Voyons, ouvrez, Monsieur Pessugue !» ajouta le commissaire qui le connaissait un peu. « D'abord, il y a erreur, » fit Pessugue en dissimulant sa voix. « Je ne suis pas Monsieur Pessugue. » « Et qui êtes-vous ? » « Je suis... » Le commissaire et ses agents attendaient, anxieux, sur le palier, et Pessugue affolé, se tenant la tête à deux mains, sans même secourir sa complice évanouie, cherchait quel nom autre que le sien il pourrait jeter en pâture au déshonneur. Une inspiration lui vint. Dans un éclair, il se rappela le livre que lisait Madame Pessugue. Il le voyait ouvert, sur le guéridon du salon, tout rempli d'images. Et, collant sa bouche à la serrure, avec un accent formidable, « Je suis... Eh bien, je suis... Alessandre Dumas !» Devant un nom si glorieux, la force armée hésita. « Alexandre Dumas ?» dit un des agents. « Nous dérangions Alexandre Dumas ? C'est ça qu'ils appellent une gaffe !»« Retirons-nous, » ajouta le commissaire. « La dénonciation doit être fausse. Dans tous les cas, il convient d'en référer. » Et discrètement, à pas de loup, ils redescendirent l'escalier. Quand il n'entendut plus aucun bruit, Pessugue ranima la dame, ce qui lui prit un bon quart d'heure. Puis, l'ayant fait évader, il voulut sortir à son tour. Mais auparavant, par prudence, afin de voir si la gendarmerie ne garderait pas les issues, il se hasarda sur le balcon. « Est-ce sous ? C'est lui ! 1, 2, 3, 4 !» Alors, une fanfare éclata. Des applaudissements, des bravos montèrent. Le commissaire avait parlé. Toute la ville savait maintenant que l'auteur de Monte Cristo se trouvait à l'hôtel, incognito, en bonne fortune. Oh, ces poètes ! Et la musique, réunie précisément à la mairie pour répéter, avait saisi cette occasion de faire prendre l'air à ses cuivres. Un monde fou couvrait la place, et Pessugue, pétrifié, saluant à droite et à gauche en manière de contenance, voyait passer des bannières et défiler les prix d'une course de taureaux improvisée en son honneur. Il descendit enfin, pas assez vite pour empêcher l'aubergiste d'illuminer. Quelques personnes l'ayant vu, le collet relevé, le chapeau sur les yeux, en train de courir vers la gare, prétendirent bien que ce n'était peut-être pas tout à fait Alexandre Dumas. mais l'amour-propre local fit taire ces voix discordantes, de sorte que la légende s'établit et que les habitants parlent encore, non sans une émotion d'orgueil, du jour où la ville tout entière, avec des drapeaux et des musiques, acclama l'illustre conteur. « Et Monsieur Pessug ?» Monsieur Pessug ne protesta point, au contraire. Seulement, renonçant à ses amours de haut vol, il a « C'est Madame Pessug qui est contente », reprit tout doucement ses bonnes petites habitudes. Tiré du recueil, « Le midi bouge ».